Tu as toujours l'image hors de ma portée. Je n'ai que l'avantage de m'en déchirer. Ce qui me peine, c'est que je t'aime. Mais je ne peux pas me serrer tout contre toi. Comme il se doit, comme il se doit. Je mets pas pis pour toi. Mon mari, fais ce que tu voudras, mais qui paiera ce lourd tribut? Je veux toujours l'image hors de ma portée. Je n'ai que l'avantage de m'en déchirer. C'est que je t'aime, mais je ne peux pas me serrer tout contre toi. Ce qui me peine, c'est que je t'aime, mais je ne peux pas me serrer tout contre toi. Allez, où c'est un Macon. Midi, merci à vous si vous nous rejoignez à l'écoute d'Aléo. Comme d'habitude, je continue de vous accompagner en musique jusqu'à 14h avec au programme tout de suite Antoine Berthazon. Un amour en hiver pour décorer nos cœurs, de guirlandes aux odeurs de sapin. Un amour en hiver pour danser sur la neige en créant un manège de satin. Que l'hiver est froid sous ces petits draps. 1000 hectares de bois ne suffiront pas à habiller mon cœur dénudé de bonheur, de feuillage et de branches. C'est plus pour la valanche que je penche. Hiver pour réchauffer nos pieds en les frottant à ceux de la dame. Un amour en hiver pour colorer le froid qui s'immisce en roi dans notre âme. Que l'hiver est froid sans tes petits bras. 1000 hectares de bois ne suffiront pas à habiller mon cœur dénudé de bonheur, de feuillage et de branches. C'est plus pour la valance que je penche. S'endormir nu en ayant détenu le péché. Un amour en hiver pour séduire le printemps et tout en insistant le convier. Thank you. elle était belle à t'écouter, sur ta voix son corps danser, danser dentelle, vie révoltée, l'effet d'un corps de ballet. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa, tu as laissé son corps, je t'en veux. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal et tu ne t'imagines même pas comme ça fait mal de rire sans toi. Elle a mal et tu ne reviendras pas. Elle était belle à tes côtés, dans son regard je voyais que tu faisais d'elle un conte de fées, sur toi elle se reposait. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa, tu as laissé son cœur, je t'en veux. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal, tu ne t'imagines même pas comme ça fait mal de rire sans toi. Son sourire appelle au secours, il est sans amour. Ça fait mal de vivre sans toi. Et elle a mal, tu ne t'imagines même pas comme ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal, toi tu ne reviendras pas. Toi tu ne reviendras pas. Et toi tu ne reviendras pas. Et toi tu ne reviendras pas. Et papa, toi tu ne tu ne reviendras pas, non, papa. Chez la jolie Rosette au café du canal, sous le trou du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, ici on peut apporter ses baisers. Moi, mes baisers, je les avais perdus, et je croyais déjà avoir tout embrassé, et je ne savais pas que tu étais venu, et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri, sur mon berceau les fées ne se penchaient pas beaucoup, et chaque fois que je tombais sur un carré d'ortie, il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou. Pourtant ma chance, aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés. Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber. Nous étions seuls au monde dans ce bal populeux, et d'une seule main je prisonnais ta taille. Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu, ils ont bien failli gagner la bataille. J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux, j'aime l'oiseau parce qu'il sait tout, j'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston. Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit, ton pauvre cœur faisait des petits bonds de sardines quand j'ai posé ma tête contre lui. Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi. Mais mon amour pour toi est autrement plus fort. Est-ce que tu aurais pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps? J'ai la jolie Rosette au café du canal, sous le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, ici on peut

se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas, que t'allais peut-être partir et peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Alors on va se quitter comme ça, comme des cons devant le café d'en bas, comme dans une série B. On est tous les deux mauvais. On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Je voulais quand même te dire merci pour tout le mal qu'on s'est pas dit. Certains rigolent déjà, je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, il y en a qui supportent pas. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit, je te le dis quand même. Je t'aime. C'est bien que je l'ai trop dit, je le dis quand même. À la croisée des voies romaines est le nom de la conférence organisée le 10 août à 19h au foyer rural de Saint-Laurent-la-Roche. L'entrée est de 10 euros et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Rendez-vous sur l'esplanade Lamartine de Mâcon le 12 août à 21h pour un concert de rock anglais. Ce sera journée jeux anciens, ateliers et visites le 15 août au château de Brancion. L'entrée est libre. Plus de renseignements au 03 85 32 19 70 ou sur le site internet www.chateau-de-brancion.fr. Chaque mercredi jusqu'au 16 août, les Amis des Orgues de Pont-de-Vaux vous proposent des séances de partage musical autour de l'orgue de 10h à 11h. Plus de renseignements au 03 85 30 31 12. Samedi 26 août, la commune d'Ilia organise une fête du village. Au programme, parade de chars, représentation médiévale, démonstration de sculptures sur bois, manège forain ou encore baptême d'hélicoptères et feux d'artifice. Plus de renseignements auprès de la mairie au 04 74 24 06 70 ou sur le site internet ilia.fr. Une randonnée pédestre est organisée à Chevagny-les-Chevrières le 27 août. Trois circuits vous seront proposés, 7, 14 et 21 km. Les inscriptions et les départs ont lieu à la salle des fêtes, espace d'arène à Chevagny-les-Chevrières, de 8h à 13h. Des activités ludiques, sensorielles, pédagogiques et intergénérationnelles sont à découvrir en famille et en plein air à l'Hôtel Dieu de Tournu jusqu'au 31 août. Jusqu'au 2 septembre, venez assister au spectacle gratuit et ouvert à tous de l'été frappé. Retrouvez la programmation complète sur le site internet macon.fr. Le château de Saint-Point-Lamartine organise des visites pour les enfants de 7 à 13 ans jusqu'au 2 septembre. La 6e édition du festival à l'ombre des mots a lieu du 8 au 10 septembre à Villefranche-sur-Saône, Liergues et Jarniou. Concerts, spectacles de théâtre ou encore conférences seront au programme de ces 3 jours festifs et culturels. Plus de renseignements sur le site internet www.lombredesmots.fr. La Ligue des droits de l'homme organise un ciné-débat avec un documentaire réalisé par Alvaro Orius, Le début de la fin des armes nucléaires, le 15 septembre à 20h à la MJC Héritant de Mâcon et le 22 septembre à 20h au cinéma Les Arts de Cluny. Venez découvrir les coulisses de la scène nationale du Creusot les 16 et 17 septembre. Plus de renseignements au 03 85 55 37 28. Dimanche 17 septembre à 17h, rendez-vous à l'auditorium de Villefranche-sur-Saône pour un concert de l'ensemble vocal Sileps. Vers l'infini et l'au-delà est le nom de l'exposition que vous propose le Lab 71 pour partir à la découverte du système solaire, des planètes et des étoiles. Vous pouvez retrouver toutes ces informations à l'écrit sur notre site internet radioaléo.fr dans la rubrique Agenda local. Laissez-les dans les cartons, les plans de la planète. Faites-les sans moi, oubliez pas les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz et je m'attends ailleurs. Je fais que passer ma route, pas vu celle tracée, passer entre les gouttes, et va des belles. Parole après parole, note après note, elle voulait tout savoir sur ma vie. J'ai tourné 7 fois ma clé dans ses menottes, 7 fois ma langue dans sa bouche, et j'ai dit fait que passer ma route, pas vu celle tracée, passer entre les gouttes, et va des belles. J'ai fait que passer ma route, et ma des belles. Est-ce que c'est un marabout, un bout de ficelle, un gris-gris j'aurais sans savoir. Chez les tambours des sorciers, sous les échelles, dans les cul-de-sacs infestés de jaguars, je fais que passer. Petit pour marcher si loin, trop petit. trop petit pour aimer les cendres, trop petit pour aimer la mort, trop petit pour porter si lourd, trop petit pour courir devant les flammes. Trop petit pour quitter la femme, trop petit pour manquer d'amour, trop petit. Nous écoutions à l'instant Catherine Lara. Restez avec nous, on poursuit notre voyage musical avec au programme tout de suite Daphné. clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi par la sortie de secours. Je me suis dit tout bas, non, ce n'est pas mon jour. Son cœur est un détroit, ses yeux un carrefour. L'harmonica descendu dans la cour. Et dessous le lilas, j'ai chanté sans détour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour. C'est un tournoi où tombe tour à tour les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, sois sûr qu'une croix deviendra ton vautour. Alors que fais-tu là, enfermé dans ta tour? Je veux briser les lois qui règlent tes amours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd. N'entends-tu pas déjà le compte à rebours? Ouvre ta véranda, annonce mon retour. Je foncerai comme un ours aux pattes de velours. Je veux toucher du doigt. J'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Je foncerai comme un ours aux pattes de velours. Je peux toucher du doigt la peau de ton tambour. J'aime une fois, j'aime pour toujours. J'aime une fois, j'aime pour toujours. Ce que nous sommes, amorce de sourires et de bombes, et du mal qu'on se donne. C'est toi contre moi. On s'y retrouve, on s'y perd. C'est toi contre moi. On se révolte. On se soumet. Et toi contre moi. La guerre encore. On s'y fait. Mais toi contre moi. Pourvu qu'on reste les meilleurs ennemis du monde. se soumet. Et toi contre moi. La guerre encore, on s'y fait. Mais toi contre moi. Pourvu qu'on reste. Au détour, quand tu prends de l'avance. Ennemi, le discours. La musique continue sur Aléo. On vous propose maintenant d'écouter Cécile M. Désarmée de silence, résonne à mes tempêtes. Je les sens s'avancer, cherchant des porte-voix. En m'étonnant d'ailleurs que personne n'entende leur légion qui se lève et marche d'un bon pas. Une pâle lumière ne peut dissoudre l'ombre. La somme du chagrin ne puise en rien le mal. Des siècles d'ignorance ont enfanté des ombres que l'on devine encore même dans la nuit totale. Oui, j'entends vos souffrances, femmes de ce monde, rarement protégées par les hommes et la loi. Femmes à la peau blanche et vous à la peau sombre, c'est à vous que s'adressent mes notes et ma voix. Il nous faut inventer une aurore nouvelle et rassembler les cendres de tous nos foyers, puis fondre une conscience enfin universelle dans nos creusets matrices pour tout réformer. Femmes oubliées, femmes battues et humiliées, femmes violées, femmes torturées, femme excisée, femme ignorée, femme violentée et mal aimée, si mal aimée. Faudra-t-il amputer nos rêves de victoire, à remporter d'urgence sur la force et le crime, et nous taire toujours quand, hélas, chaque soir s'allonge tristement la liste des victimes. Il est un temps pour tout et je veux bien comprendre puissent en un jour faire cesser tout cela. Mais s'indigner sans cesse et oser entreprendre fera céder, c'est sûr, les hommes et les états. Je devine les combats radicaux à mener et la grande solitude des femmes en détresse. Il nous faudra peser sur ce qu'il faut inventer comme autre institution pour qu'enfin cela cesse. Ne brisons surtout pas chez leurs propres enfants l'image de la douceur et de la non-violence. Maintiennent glaive, on justifie le sang de toutes les horreurs et les intolérances. Femmes oubliées, femmes battues et humiliées, femmes violées, femmes torturées, même excisées, femmes ignorées, femmes violentées et mal aimées, si mal aimées. Chacune sera reconnue, protégée, enfin libre d'aimer ou bien de n'aimer point, libre de corps, libre d'esprit, libre d'aller. Les hommes ont des idées bizarres quand ils sont dans le noir. Servez à boire, ils s'égarent. Ils parlent d'eux comme d'un autre qui cacherait un cœur fait pour le nôtre. Mais ça leur fait peur. Est-ce qu'il faut les entendre quand ils ont des mots tendres ou attendre que leur douceur s'évapore? Les hommes ont des idées à fond, un cœur qui est à prendre quand enfin ils s'abandonnent à un sort. Les hommes ont des idées si belles quand la nuit les révèle, tellement belles on s'en rappelle. Thank you.

Vous êtes sur Aléo. Absence, tout contre moi. terre. Je ne chercherai pas tellement d'excuses, paroles vaines et vains refuges, tristes armes de combat. Si j'étais elle, je n'aimerais pas me voir souffrir, à en crever, à la maudire, pour tout ce mal qu'elle pose là. Mais il n'y a qu'elle qui sait se fuir comme ça. Ces silences, comme une toute petite fille. Mais il n'y a qu'un qui sait se fuir comme ça. Et elle s'allonge dans son absence, tout contre moi. Contre moi, si j'étais elle, je laisserais que tout se glisse, que tout se passe, et très en douce. C'est qu'elle est douce, croyez-moi. Si j'étais elle, je voudrais bien juste pour voir. Juste pour rien, juste comme ça. Comment ça serait cet amour-là? Oh, si j'étais elle, si j'étais elle. Je vis droite, fière, sans faire de bruit. J'avance avec mon temps, je dépense, j'investis, j'aime proprement, pleinement, sagement, durablement. Je ne hausse pas le ton, je ne quitte pas le rang, mais je me gonfle les seins, je me pulpe les lèvres, je maigris pour que le temps m'oublie et que le désir tienne. J'admire les planches à pain, j'engraisse les vendeurs de jeunesse. Je pique, je coupe, je tire, je claque, ma thune entraîne, mais j'espère. Tant que les rêves me portent, je ne m'arrête pas. Et la nuit, je fuis les garnisons, les troupeaux, les prisons. J'ai le cœur qui déborde d'une envie sourde et folle de n'être pas pareil. Je regarde la télé, je zappe, je me remplis, je ris, je râle, j'éructe, je pleure sur les didis. Je ne perds pas de temps, je me bouge, je ne bois pas ou peu. Je ne fume presque plus et je culpabilise. Alors, je me couche tôt pour être plus performante. Alors, je prends des cours pour être plus convaincante. Je me bourre de cachets quand la tristesse me nargue. Je m'adapte, j'optimise, je suis une fille sans faille. Mais j'espère, tant que les rêves me portent, je ne m'arrête pas, et la nuit, je fuis les garnisons, les troupeaux, les prisons. J'ai le cœur qui déborde d'une envie sourde et folle de n'être pas pareil. Mais je consomme, donc je suis, je travaille, j'achète, je rembourse les crédits, je lèche les vitrines, et je vis proprement, prudemment, poliment et longtemps. Je m'écrase, je file droit, je ne quitte pas le rang, et je prie pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour ceux que j'aime. Et puis les autres, des fois qu'il y aurait des comptes à rendre. Et je donne aux Kurdes, aux Tchadiens, aux Tchétchènes, même aux Clodo du coin, histoire d'avoir une place au chaud pour moi. Là-haut, mais j'espère, je ne m'arrête pas. J'ai le cœur qui déborde. We'll be right back. c'était Chloé Lacan. Restez avec nous à suivre sur Aléo, debout sur le zinc. Quand j'aurai vieilli à l'occidental, quand je serai seul, à ma table bancale, vieux cendrier déplacé, vestige du temps, l'on fumait seul contre le monde. Quand j'aurai blanchi sous leur nez, quand je ne ferai plus partie d'aucun projet un peu aigri, un peu raide, et plus qu'une seule vraie dent, celle contre le monde. Passe me voir de temps en temps, passe me voir, c'est important, passe me voir comme un parent, passe me voir et puis va-t'en. Passe me voir. Quand je serai soumis à la pesanteur, quand je serai dans un lit, quelle que soit l'heure, un oreiller bien placé, vestige du temps où je dormais à la face du monde. Quand je me serai battu toute ma vie, quand je serai convaincu du fond de mon lit qu'il y a tout acheté, rien à faire, et plus qu'un seul combat, se foutre du monde. Passe me voir de temps en temps, passe me voir, c'est important, passe me voir comme un parent, passe me voir et puis va-t'en. Passe me voir. Disparu Brian Jones, Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu, Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Aléo, la radio qui vous fait chanter. Descendant d'une même lignée, l'un reçoit la fossette, l'autre hérite du nez, des oreilles en chou-fleur ou du bon caractère. La succession se fait sans recours au notaire. En souvenir de lui, mon père m'a donné un grain de beauté noire dont il était nanti, transmis comme un trésor à chaque nouveau-né et porté à la fesse par notre dynastie. Ce grain de beauté-là, c'est un genre de blason. Il constitue les armes de notre maison. Et je suis rassuré, le jour où je le cherche, même entre 10 millions, je retrouverai mon derche. Une dame en voyant cet objet personnel me donna le surnom charmant de Coccinelle. Coccinelle, Coccinelle, petit veau du Seigneur, qui apporte la chance et qui vit dans les fleurs. Coccinelle, c'est utile, ça fait fuir les pucerons, et puis c'est la promesse que le vin sera bon. Circula par le bouche à oreille et l'on s'entretenait de mon grain de beauté comme d'une œuvre d'art qu'il fallait visiter. Il paraît que c'est beau comme un coucher de soleil. Coccinelle, Coccinelle, tu fais le tour du monde. Coccinelle, Coccinelle, dans une folle ronde. Et comme au carnaval, lorsque j'étais petit, j'ai lancé des poignées de notre confetti. Et ainsi toute ma vie, j'ai couru comme un chien. Je suis un homme seul, c'est vrai, et je le confesse, qui au soir de sa vie veut retrouver les siens. Je viens vous demander de me montrer vos fesses. Coccinelle, Coccinelle, c'est son père tout craché. Coccinelle, Coccinelle, on ne peut rien vous cacher. Coccinelle, Coccinelle, petit veau du Seigneur, qui apporte la chance et qui vit dans les fleurs. Coccinelle, c'est utile, ça fait fuir les pucerons, et puis c'est la promesse que le vin sera bon. C'était Thomas Fersen, restez avec nous, on poursuit notre voyage musical sur Aléo avec tout de suite Felipe Chat. La tour Eiffel est un tipi, c'est une plume qu'il lui faut. La tour Eiffel est un tipi, une plume, pas un drapeau. C'est compliqué pour les Indiens vivre à Paris, si vous saviez. Paris n'a rien d'une prairie, on s'est trompé. Les chevaux ratissent le champ de Mars, il n'y a pas grand chose à brouter. Sous le bitume, c'est les pavés, où sont les prés? La tour Eiffel est un tipi, c'est une plume qu'il lui faut. La tour Eiffel est un tipi, une plume, pas un drapeau. Hier on pêchait le long des quais, des sacs plastiques et en vélo. L'unique poisson était fluo, saumon vaillant et déprimé. Et la tronche que tire aux eaux, l'unique bison qu'on a trouvé. Donne pas envie si vous saviez, c'est compliqué. La tour Eiffel est un tipi, c'est une plume qu'il lui faut. La tour Eiffel est un tipi, une plume par dragon. Sans un permis pour le galop. Souffle de braise est en prison. Une tunique bleue l'a embarqué. Il allumait son calumet. Rue de la paix à la station. La tour Eiffel est un tipi. On devrait pouvoir monter gratuit pour aller méditer en haut. Prendre le vent, pas des photos. La tour Eiffel est un tipi. C'est une plume qu'il lui faut. Elle est antipique, une plume par drapeau. Bastille, dans le grand cercle nous dansions. On n'a pas entendu de sirène, toute la tribu dans un fourgon. La nuit c'est un drame, je vous jure. La lune se cache sous un voile. La ville est triste comme un mur. Le ciel ici est sans étoiles. La tour est belle, tant qu'il c'est une plume qu'il lui faut. La tour est belle, tant qu'il une plume. Flasher sur mon vaillant et déprimé, souffle de braise et en prison, toute la tribu dans un fourgon, pas un tambour, pas un bison. Ici les aigles, c'est des pigeons. Le ciel ici est sans étoiles. Le ciel ici est sans étoiles. Paris n'a rien d'une prairie. Paris n'a pas vraiment compris que la tour Eiffel est un tipi et c'est une plume qu'il lui faut. Thank you.